La 9e édition de Planche est maintenant disponible. Dans ce nouveau numéro, devenez spécialiste des BD avec Iris et Caton, voyagez dans l'espace avec Jean-Paul Aide, ou encore plongez dans les dessous de la création de la bande dessinée à succès Hiver nucléaire en compagnie de Cab. Sous la couverture signée Jimmy Beaulieu, découvrez une toute nouvelle chronique intitulée « Rencontre » dans laquelle Catherine Ousselot dialogue avec une personnalité. Abonnement papier ou numérique sur revueplanche.com ou en librairie dès maintenant. Au début, il y a eu le son. Particules sonores. Fragments du bruit. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. Bonsoir les amateurs de musique progressive, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit et vous êtes en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde, France à l'animation et moi-même Jean-François. Bonsoir France. Bonsoir Bruno, bonsoir Jean-François. Bonne année à ceux qu'on n'a pas souhaité parce qu'on n'était pas là. Ben exactement. Et ben je pense que l'année commence bien aussi. Ben elle a bien fini. Puis on va parler un petit peu des disques qui sont sortis. J'ai pas fait de palmarès parce qu'il y en a tellement. Je vais m'y mettre là, puis on va le faire. Mais on va parler aussi de ce qu'il y a eu dernièrement. Entre autres, le concert de Noël du Bar Lanty, Noël Prog 2. Oui, très bon spectacle. 4 groupes. Oui, une très belle formule parce que chacun des groupes jouait à peu près une demi-heure chacun. Donc, ça nous permettait d'entendre chacun, mais de passer tout de suite à l'autre, puis de faire un survol rapide. Puis, on a découvert un groupe, enfin, même si c'est pas la première fois qu'on le voit, là, le groupe de Québec, Illward, que j'ai trouvé très, très bon ce soir-là. Et ben ça m'a permis d'entendre leur album et on va en écouter une pièce parce qu'il est vraiment surprenant ce disque-là. C'est assez personnel, mais il y a du Porcupine Tree un petit peu là-dedans, moi je trouve, et un peu de Pineapple Thief. Vous allez me dire c'est presque la même chose, mais non, c'est plus la même chose aujourd'hui. Contemplator a été très bon aussi, Inner Odyssey et Universe Effect, et ça s'est terminé avec Antoine Barry, avec Francis Grégoire de Universe Effect et le bassiste aussi de Contemplator qui ont fait encore leur version de Tarkus, dont Stan Poe. Puis ben, il y avait des gens avec nous, entre autres Julie et Johnny, oui. Et qui ça nous a permis de découvrir Mercenary & Palmer, parce que pour eux autres, c'était C'est la vie et autres chansons, des fois un petit peu cucu, là. Mais non, Mercenary & Palmer, c'est beaucoup mieux que ça. Bonsoir les amis, donc c'est nos amis de... des illusions auditives qui quittent. Et un peu plus tard, on parlera aussi de Gigi Project, mais pour l'instant, on va écouter un peu de musique. Il y a du David Townshend Project qui va être au menu. Et aussi Animo Mundi, on en parlait lors de la dernière émission. Ah, un de mes groupes préférés de 2016. Ben oui, puis on disait que le disque était rare, mais... Je l'ai trouvé en Russie. Ben oui, il vient de loin. Il vient de loin. De Russie. Mais il est finalement arrivé, donc on va entendre un autre extrait d'Anima Mundi. Et une petite surprise enfin, on en parlera au deuxième bloc. Donc on débute avec... d'une façon assez costaude avec David Townshend Project. Fears worry

can see through the scars inside you. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside you. Casting a faint glow, you and I see eye to eye. Can hear the thunder. I can hear the thunder that's breaking. Now there is nothing between us. From now our word is eternal. Fini d'une façon un petit peu costaud. Hein. C'est un bloc qui est dans l'ensemble et est un petit peu éveillé. Disons. C'est la frange qu'on pourrait qualifier de hard progressif. Et c'est le groupe... Frost. Mais non, c'est Ghost. Non. Ghost, je me suis trompé. Je savais pas ça. Donc, c'est Ghost de la suite. Je pense à d'autres choses. Ben oui, c'est pas grave. Mm. Donc, c'est l'album Meliora. Et c'est un groupe de la Suède. Et ce qu'on a entendu s'appelle Cirrus. C'est mon neveu qui m'a fait connaître ça. Ils sont passés à Montréal cette année. Et les musiciens ne sont pas identifiés. C'est gardé secret. Ils ont des masques. Et on ne dit pas non plus de quel autre groupe ils ont fait partie pour justement ça demeure secret. Et juste avant, dans sa première partie, Anima Mundi, de l'album I, Me, Myself, on a entendu Somewhere. Et dans sa première partie, ça sonnait aussi un petit peu hard. Et on a débuté de la même façon avec David Townshend Project, oui, avec Transcendance, son nouvel album qui est paru tout de suite avant les fêtes. On a entendu Secret Sciences. Et pour revenir à Anima Mundi, il y a un nouveau chanteur et un nouveau batteur. L'ancien chanteur, lui, est parti vivre aux USA. Et on apprend ça dans... dans Progressiste, dans le dernier numéro de Progressiste dont je vous parlais à la dernière émission. Et pour ce qui est du batteur, lui, une tendinette au bras, c'est un petit peu malcommode pour un batteur. Oui, oui. Faudrait en parler à Pierre Ménard. Oui, probablement que... oui. Et donc, il a été remplacé, le batteur, par Marco Alonso, mais lui, il vient du métal, donc on ne s'étonnera pas qu'il y a un aspect assez métal. Je dis ça, mais c'est une musique qui est très articulée, là. C'est juste par moment là, que ça, c'est pas devenu un groupe de métal. Là. Et il y a même une belle trompette là-dedans. Non, franchement, là, j'aime beaucoup ce disque-là. Eh bien, peut-être des petites annonces, si vous voulez aller voir le contenu de l'émission. On donne les titres, là, mais si vous voulez constater de visu, www.terrainincognita.québec et à l'onglet radio, vous allez voir le contenu de l'émission. Ça va être mis dans le courant de la journée demain. On vous invite aussi à aller voir la page Facebook et voir les dernières informations en ce qui concerne le festival Terra Incognita dont France va vous parler tantôt. Si vous voulez nous rejoindre en onde, 640-1586. Et les podcasts sont disponibles tout de suite après la fin de l'émission. Donc, c'est sur le site des CKRL, à la programmation. Vous allez chercher l'émission Terra Incognita et vous pourrez downloader l'émission. Et je vous avais parlé un petit peu de GG Project avec Inner Odyssey. Rachel a fait une grosse job. Rachel. Oui, dans les deux groupes. Tout petite derrière sa basse, mais drôlement efficace. Et bien, parlons de concert. Bon, on va parler du festival Terra Incognita qui est au mois de mai. Ah oui? Qui s'en vient à grands pas. Fait que les groupes invités pour le samedi, Universe Effects, Eden Song, Glass Hammer. Et le dimanche, Il Paradiso des Cliarchi, Comedy of Error, Asanathan avec Fabio Zuffini. Giovanni. Oui, Sfenty. Oui. Et je vais souhaiter en onde un bon anniversaire à l'organisateur du festival, Michel Bilodeau. Ben oui, ça fête aujourd'hui encore pour quelques heures. On espère qu'il prend un petit verre pour fêter ça. Et on parlera des autres shows un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, on va entendre. En deuxième partie, Fatal Fusion, très bon groupe qu'on a commencé à vous présenter un peu avant les fêtes, qui vient de sortir un très beau disque qui s'appelle Total Absence. Et c'est aussi un groupe scandinave. Et tant qu'à parler de Il Paradiso des Cliarchi, ben on va en écouter une pièce de leur très bon album éponyme. On va entendre La Stanza des Ricordi. Et on va entendre aussi une pièce de Robert Reed qui nous sort son Sanctuary 2 cette fois-ci. Et le son est à s'y méprendre avec Mike Oldfield, disons, de la période, surtout Incantation ou Oh Madame. Et soit qu'on dit que c'est du plagiat, mais ou qu'on adore, si on ne boude pas de son plaisir. Donc, on va en entendre un extrait. Ben, on y va tout de suite avec Fatal Fusion. Lost, he doesn't seem to care for anything. cry. I seek eternity. Long ago, a flood was sent and ended all our strife. One was sent, and heaven granted him eternal life. Watching me, come with me, yeah. Lead the way through the place and say, take me down to the foreign. Giants have on the mountain past the Scorpion Bear. Reaching down to the gates of hell, let the heavens wish me well. Make a deal with the ferryman, sail across the sea, pray that he will tell. I see. Giants head on the mountain past the school.

quanto fragili siamo noi. Qui cercare sempre oggetti per riempire qualche vuoto. E alla fine siamo legati sempre a loro per ricordare ora chi siamo. Ma capisco che pesano, ce li portiamo sempre appresso, ci impediscono di scappare via. Miliardi di ritratti, disegni e cartoline. E quadri appesi in ogni dove, mi riportano alla mente i volti che non saluto da cent'anni ormai. Ora mi si stringe. Corpo un poco trema, mancano anche più stronzi che han camminato insieme a me. Vorrei saperti ancora disperato, per non saper cantare sempre più in alto, ma felice e contento di vivere anche solo.

Hillward. Hillward. Et le chanteur Geoff Tate. Geoff Tate, oui. L'ancien Queen's Reich. Dans l'ancien Queen's Reich, à la salle multi de Méduse. Le 5 mai, Anne de la Garde. Et le 14 mai, Adrienne Bello. Power Trio à la salle Jean-Paul Tardy. Oui, ça, ça a été nouvellement annoncé. Donc, on y va en musique, tant qu'à parler de Hayward, le très bon disque Flies in Amber Stone, c'est sorti il y a un petit peu plus qu'un an. Et la pièce qu'on va entendre, c'est When It All Comes True. Et on poursuivra avec Casualty of Cool et une pièce d'Eden Song et finalement Glass Hammer. Staring at you, you. When the sky turns blue, I won't stay here lonely and you. Fly away.

makes you feel so much better. Go and be filled. Isn't that your sage advice? Glasshammer, The Breaking of the World. Et c'est un disque qui... en fait, c'est pas le dernier, c'est l'autre d'avant. Mais c'est je pense qu'ils vont jouer peut-être des trucs de ce disque-là. On a bien hâte de voir Glasshammer aussi. Ils vont être également au Festival Terre Incognita. On a encore le réflexe de dire la convention. Ben, on l'a dit une dizaine d'années. Ben oui, puis... j'ai tellement insisté pour qu'on dise plutôt festival. Ben, en fait, moi, j'aime mieux ça. Là. Et juste avant, c'était Eden Song qui sera également du festival. Un très bon disque. En fait, j'en ai un à vous conseiller dans le prog américain. C'est bien Years in the Gardens of Years du groupe Eden Song. On a entendu la pièce Chronos. Juste avant, c'était un peu une bizarreté. Là. C'est... Casualties of Cool, et c'est un disque éponyme, mais qui est paru cette année, cet automne, mais en fait plus vers la fin de l'été, là, mais c'est David Townshend qui est en dessous de ça. Et on a entendu la pièce de Code. Et lui, il a voulu faire une sorte d'hommage là, aux racines du folk, puis même du country. Il y a même une petite saveur country là, qu'on pouvait entendre là-dedans. Et juste avant, c'était Illward, Fly in the Amber Stone. Un très bon groupe de Québec. Là, tu disais dans la liste des spectacles, on va pouvoir les revoir oui, dans le courant acoustique. Du printemps. Ah oui, c'est dans une formule acoustique. Oui, au mois d'avril. Bon, ça pourrait être assez intéressant, ça aussi. Et ben, on va poursuivre. Juste avant, je voulais vous dire, je n'ai pas les dates, là, mais il y a un nouveau magazine Terre Incognita qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Donc, c'est à surveiller. On vous dira ça quand ça sera disponible. Et ben, on poursuit en musique avec Deus Ex Machina, qui a sorti un très bon disque cette année, qui s'appelle Devoto. Il y en a d'ailleurs un extrait sur la compilation Progressis numéro 85, même 80, je pense que c'est plutôt 86. 86, oui, j'étais un petit peu en retard. On va poursuivre après avec le groupe norvégien Seven Impale, qui a sorti un très bon disque, qui s'appelle Contrapasso. Et il y aura aussi Nuova Era avec Return to the Castle, toutes des choses qui sont sorties dans les dernières semaines. Et on vous revient en micro. Spiegare a te che sai più di me, la forza che hai, saggezza che sei, dimmi perché il mondo è così, luce immensa. Possibile, questo è il limite, io l'ho persa, sai, quella luce che ora vedo in te, figli del mondo, in sintonia con la terra, che sentite e capite, di cui siete parte, in voi risuona. In senso pieno la vita, nel bene e nel male, soltanto la vita. Illumina me, ma come potrei spiegare a te che sai più di me la forza che hai, saggezza che sei, dimmi perché il mondo è così.

c'est Nuova Era. Et c'était précédé de Seven in Pale et de Deus Ex Machina. Je vous disais que ça provenait de la compilation progressiste. Et il y a aussi ce qu'on écoutait plus tôt, Robert Reed, le Sanctuary 2. Ça vient du set de progressiste où il y a des samplers qu'on peut downloader. Ben, c'est déjà tout pour nous. Bonne semaine tout le monde. Ben oui, bonne semaine. Mais juste avant, il y a une pièce, histoire de faire le lien avec l'autoroute qui débute tout de suite après ça, avec Stéphane Villeneuve. Donc, restez à l'écoute. On va entendre une pièce de Vanilla Fudge, un nouvel album qui s'appelle All Through the Indoors. Ceux qui connaissent bien Led Zeppelin vont voir l'allusion. Et ce qu'on va entendre, c'est leur interprétation de Dazed and Confused. Donc, bonne semaine tout le monde. Hypnotized.